الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد أيها المؤمنون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى فإنها وصية الله للأولين والآخرين في كتابه الكريم إن ديننا الإسلام دين الإصلاح والصلاح دين التربية والآداب دين الخلق والرفعة جاء بتزكية القلوب وتنقية النفوس بصلاح وإصلاح الظاهر والباطن قال الله جل وعلا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها عباد الله علينا أن نعتني ونحافظ على أنفسنا فكما أن الظاهر قد يمرض فإن الباطن كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسج الجسد كله ألا وهي القلب لذا يا عباد الله كان متأكدا على كل مسلم ومسلمة أن يفتش عن قلبه وأن يتأمل في نفسه فيصلح ما فسد ويحافظ على ما صلح عباد الله خصلة ذميمة من خصل القلوب المريضة جاء ديننا الإسلام بتحريمها والتحذير منها وبيان خطورتها على الأفراد والمجتمعات هذه الخصلة الذميمة هي الحسد يا عباد الله الحسد شر عظيم وخطر مهلك عياذا بالله إذا استمر في الإنسان أحرقه وأضر به الحسد شر يتعوذ الله منه من شر حاسد إذا حسد الحسد جاءت النصوص من القرآن والسنة بالنهي عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسد وقال عليه الصلاة والسلام إياكم والحسد وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال دب إليكم داء الأمم الحسد والبغضاء هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين الحديث رواه الترمذي وعن ضمرة بن ثعلبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا رواه الطبراني فالحسد هو كما تعرفون تمني زوال نعمة الغير والحسد صفة الأشرار من الخلق وداء قديم وأول من حسد الناس إبليس لعنه الله حسد أبانا آدم عليه السلام على ما أنعم الله سبحانه وتعالى عليه وأعطاه من الفضائل حيث خلقه بيده وعلمه أسماء كل شيء وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته فامتنع إبليس من السجود فخسر خسرانا مبينا حيث طرد من العلو ومن صحبة الملائكة من أهل السماء وحيث طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى وكتب في النار وبئس القرار جعله الله سبحانه وتعالى بسبب حسده وتكبره على أبينا آدم عليه السلام بعد أن كان صالحا من سكان السماء فاسدا من سكان الأرض وكتبه من أهل النار داعيا إلى كل رذيلة قدوة في الضلالة والعياذ بالله. وفي القرآن الكريم ذكر الله سبحانه وتعالى قصة ابني آدم عليه السلام وما أدى إليه حسد أحدهما حيث قتل أخاه قال الله واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. إلى أن قال الله جل وعلا فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله أصبح من الخاسرين. انظروا ماذا يفعل الحسد بأصحابه. الحسد قد يجرك إلى عدم قبول الحق المبين كما حصل ذلك للأمم السالفة حيث تنكروا للخير الواضح المستبين حيث أنكروا رسالة النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الحسد قد يجرك إلى الطعن في علماء أهل السنة وطلبة العلم ودعاة الإصلاح ودعاة السنة والتوحيد كل ذلك بسبب الحسد. ثم إذا نصح قال الخير أردت. الحساد أجبل الناس وأفسد الناس للفرد والمجتمع. الحاسد عدو لنعمة الله تبارك وتعالى لا يهدى له البال ولا يرتاح أبدا بل لا يزال في الهموم والغموم حتى يذهب الله سبحانه وتعالى نعمته عن الغير. لا يرضى بقسمة الله ولا بحكمته ولا بقدره سبحانه وتعالى. وإذا رأى أنعم الله على عبد من عباده امتلأ قلبه غيظا وبغضا وحسدا. ومن أضرار الحسد أن الحسد يشغل صاحبه عن شكر الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء يفرقون بين الأحبة ويشتتون البيوت المترابطة والأسر وربما أوصل الحسد أحدهم إلى الذهاب إلى السحرة والمشعوذين للإفساد في الأرض عياذا بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى يطهر قلوبنا من الحسد. وما قصة يوسف عنكم ببعيد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد أيها الناس الإسلام est une religion qui nous appelle au plus noble caractère, qui nous appelle à la réforme et à nous corriger. La religion qui appelle au bon comportement et à l'élévation, à la pureté du cœur, de l'intérieur et de l'extérieur. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne dans le Coran que celui qui obtiendra la réussite est celui qui se sera purifié. Et parmi les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon la traduction, où Allah accorde à nos âmes la piété. Personne ne peut faire cela si ce n'est toi. Tu es son maître et son garant ou son soutien. Il nous est donc obligatoire de surveiller nos âmes afin de purifier celles-ci. Chacun d'entre nous, qu'il soit un homme, une femme, jeune ou âgé, a l'obligation de se préserver. Et tout comme le corps peut être touché par de nombreuses maladies, il en est de même, il en est ainsi pour l'intérieur et le cœur de la personne. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, il y a certes dans le corps un morceau de chair. Si celui-ci est pur, le reste du corps le sera. Et si celui-ci est corrompu, le reste du corps le sera. C'est bel et bien le cœur. C'est pour cela que chacun d'entre nous doit surveiller son intérieur. Et parmi les pires maladies du cœur est ce que l'islam nous interdit et ce contre quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a tant averti. Il y a al-hasad. Al-hasad, ce qu'on pourrait traduire par l'envie et la jalousie. Lorsque la personne voit le bienfait d'Allah sur autrui, son cœur se remplit de haine et il souhaite qu'Allah fasse disparaître ce bienfait sur son frère et sur l'autre personne. Et en général, ce sentiment est accompagné d'actions qui visent à faire disparaître ce bienfait de cet autre. La jalousie ou l'envie est donc un mal. Et si la personne ne s'en défait pas, ne s'en purifie pas, ne nettoie pas son cœur de cette maladie, alors cette maladie sera pire qu'un cancer qui s'attaque à l'ensemble des membres de la personne jusqu'à l'anéantir. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiféré dans le Coran le fait de se diriger vers lui pour chercher la protection contre l'envie de l'envieux, comme dans sourate Al-Falaq. Nombreux sont les textes qui nous ont avertis contre ce défaut, cette maladie du cœur. Le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a interdit en nous disant « La tahasadu, ne vous enviez pas les uns les autres ». Et dans un autre hadith, prenez garde à l'envie. Az-Zubayr ibn al-Awwam radiallahu anhu, un des meilleurs compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, dit vous a contaminé ou vous contaminera ce qui a contaminé les peuples anciens, l'envie et l'inimitié. C'est celle qui rase, et je ne parle pas de celle qui rase les cheveux de la tête ou bien celle qui rase les poils, mais c'est plutôt celle qui rase la religion. Voici la traduction du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un autre hadith, les gens ne cesseront d'être dans le bien, dans une bonne situation, tant qu'ils ne s'envieront pas les uns les autres. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans ses textes, nous met en garde, nous avertit contre ce malheur, contre cette maladie, et il nous l'interdit sallallahu alayhi wa sallam. Le hasad, l'envie, est une des caractéristiques des pires créatures. Et c'est une maladie très ancienne, la maladie qui a touché Iblis, Ash-Shaytan. Ce dernier a envié notre père, le père de l'humanité, Adam alayhi salam, lorsqu'il a vu ce qu'Allah lui a accordé et ce par quoi Allah l'a distingué et préféré. Allah subhanahu wa ta'ala créa notre père Adam alayhi salam de sa noble main. Il lui enseigna le nom de toutes choses. Il fit se prosterner devant lui ses anges et lui accorda comme demeure le paradis. Lorsque Iblis vit tout cela, le hasad se développa en lui. Il déclara alors la guerre à notre père Adam et à sa descendance. Il fit tout pour l'égarer, pour l'éloigner de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme d'habitude, les actions de l'envieux se retournent contre lui. Et c'est ce qu'il arriva à Iblis. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla ordonna aux anges de se prosterner devant Adam, tous se sont exécutés, excepté Iblis, qui n'est pas un ange, mais qui vivait et qui était élevé avec les anges de par sa piété et le choix d'Allah et la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala, ainsi que sa sagesse. Il s'est vu meilleur que Adam en disant « Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu et lui tu l'as créé de terre. » Allah Azza wa Jal s'est mis en colère contre lui. Après qu'il eut habité les cieux et fréquenté les anges élevés, Allah subhanahu wa ta'ala l'exclua de sa miséricorde. Il l'a maudit, il l'a viré des cieux et lui fit habiter la terre, fit de lui un exemple pour toute personne en perdition, une créature qui appelle à tout le mal et un habitant de l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Donc celui qui est perturbé par cette maladie destructrice, voici son ancêtre, et quel mauvais ancêtre qu'est Iblis. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous cite l'histoire des deux fils de Adam, Abil et Qabil. L'un dans, les deux se sont approchés d'Allah Azza wa Jal par une adoration. Allah Azza wa Jal accepta celle-ci de l'un d'entre eux et la refusa du l'autre, car certes Allah n'accepte que des gens pieux. Alors celui duquel nous n'avons pas accepté cette action développa cette maladie qui est le hasad, l'envie. Et cette envie l'a poussé à assassiner son propre frère, à couper les liens de parenté, à faire couler son propre sang, le sang de son frère. Voici ce que fait l'envie à ses adeptes. Aussi, sachez que l'envie peut plonger la personne dans la perdition à un point tel qu'il se refuse à accepter la vérité, même la plus évidente. Et c'est ce qui est arrivé au peuple passé qui pourtant ont reçu le livre et la révélation d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais après l'avènement de l'islam et l'envoi du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont refusé d'accepter le message. Alors qu'ils connaissaient le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, tout comme ils connaissent leurs enfants. Al-hasad, l'envie peut te pousser à dénigrer, à critiquer et à mentir sur les gens de la vérité, qu'ils soient des savants, des étudiants, des prêcheurs ou des imams ou des gens qui propagent le bien. Tout cela pourquoi? Car tu n'as pas cette place. Tout cela pourquoi? Car tu le jalouses. Car tu n'as pas cette particularité, car les regards ne sont pas dirigés vers toi. Alors, au lieu de demander à Allah Azza wa Jal la même chose, tu te mets à développer cette maladie qu'est l'envie. Cela te pousse à mentir sur eux et à tenter d'éloigner les gens de leurs assises, mais cela se retourne contre toi. Iyadan billah. Donc le hasad a poussé des gens à s'éloigner de la vérité, de la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hasid, l'envieux, est l'ennemi du bienfait d'Allah azza wa jal. Il ne trouve pas la tranquillité, ni le repos, tant qu'il ne voit pas la disparition du bienfait d'Allah azza wa jal de son serviteur. Et certes, les bienfaits d'Allah sont nombreux sur nous. Il n'agrée pas la répartition d'Allah azza wa jal et de ses richesses sur ses serviteurs. Il n'agrée pas le décret d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et à chaque bienfait qu'il observe sur autrui, son cœur se remplit d'haine, son cœur se remplit de haine et de jalousie et d'envie. Qu'Allah nous en préserve. Et parmi les méfaits de la jalousie et de l'envie, le fait que l'envieux ne se rend même pas compte des nombreux bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur sa propre personne, car il est préoccupé par la créature aux dépens des bienfaits du Créateur subhanahu wa ta'ala. Ces derniers font tout leur possible pour diviser les familles unies, les couples unis, les amis unis. Ils font tout pour diviser et pour semer le désordre sur la terre d'Allah Azza wa Jal, car ils ne sont pas satisfaits du décret d'Allah et de la répartition d'Allah tabaraka wa ta'ala. Certains même vendent leur tawhid par envie, en se rendant chez les sorciers, en se rendant chez ceux qui travaillent avec les shayatin et en leur demandant leur service afin de faire du mal à ceux qu'ils ont jalousés et qu'ils ont enviés. Et vous savez, vous connaissez tous l'histoire de Youssouf avec ses frères, ce qu'a fait la jalousie de cette famille. Youssouf alayhi salam a été kidnappé, puis jeté dans un puits puis vendu tel un esclave, alors que ça allait être le prophète, fils d'un prophète, alayhi salam. Quelle fut l'attitude de Yaqub et la douleur et la tristesse qu'il a touché lorsqu'on lui a annoncé que son fils avait été dévoré par un loup. Puis son deuxième fils éloigné de lui au point de perdre la vue, alayhi salam, mais il n'a répondu à cette épreuve qu'avec endurance et fermeté, tout comme l'a fait Youssouf alayhi salam, jusqu'à ce qu'Allah azza wa jal lui accordera son secours et l'élévation. Celui donc qui trouve cette maladie dans son cœur doit revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala, chercher le refuge et le secours auprès de lui, lui demander de ses bienfaits, lui demander de purifier son cœur. Où sont les envieux et les jaloux de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Demande à Allah azza wa jal et ne jalouse pas les autres. Où sont ces gens-là de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala? قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. C'est Allah Azza wa Jal qui élève, c'est Allah qui rabaisse. Il donne la royauté à qui il veut et il la retire de qui il veut. C'est donc vers Allah Azza wa Jal que tu dois te diriger, et non pas avec la haine et l'envie ni la jalousie envers ses serviteurs qu'il a comblés de ses bienfaits, subhanahu wa ta'ala. Et parmi les nobles paroles du grand savant yéménite Mukbil ibn Hadi al-Wadi'i, qu'il disait souvent dans ses cours, un poème qui est « Ida arad Allahu nashra fadilatin, quwiyat ataha laha lisana hasoudi » Et lorsqu'Allah veut propager le mérite et les qualités d'une personne qui ne se propage pas, il lui met alors comme garant la langue d'un jaloux. La langue d'un jaloux, c'est-à-dire certaines personnes en détestent d'autres. Alors elles se mettent à parler sur elles. Par cette cause, cette autre personne de bien se fait connaître. Wallahu musta'an. Et parmi les paroles de nos pieux prédécesseurs, la parole d'Ibn Sirin, dans laquelle il nous dit « Ma hasibtu ahadan ala shay'in ad-dunya » Je n'ai jamais été jaloux d'une tierce personne par ce qu'Allah lui a donné comme bienfait de ce bas monde. « Li'annahu ka in kana min ahli al-janna fa kayfa ahsudu ala shay'in min ad-dunya » Car s'il fait partie des gens du paradis, comment est-ce que je pourrais me montrer jaloux pour lui d'une chose de dunya? C'est-à-dire que la dunya n'est pas comparable à ce qu'il aura plus tard, le paradis. « Wa huwa yasiru ila al-janna » Alors qu'il se dirigera vers le paradis. Wa in kana min ahli an-nar, et s'il fait partie des gens de l'enfer, fa kayfa ahsuduhu ala shay'in ad-dunya wa huwa yasiru ila an-nar, et s'il fait partie des gens de l'enfer, comment est-ce que je pourrais l'envier pour une chose de ce bas monde alors que sa demeure finale sera l'enfer? Donc il nous faut nous purifier de ce méfait, il nous faut nous purifier de cette maladie et demander à Allah azza wa jal de purifier nos cœurs. Plusieurs personnes ont des malades dans leur famille et vous demandent à Allah Azza wa Jal en leur faveur. Nas'Allah Azza wa Jal an yamunna alayna wa alayhim wa ala al-mu'minin jami'an bishifa. Également, tous avons entendu ou peut-être vu certaines images des tueries qu'il y a eu en Belgique et des attentats qu'il y a eu en Belgique. Et toute personne douée de raison renie et méprise cela et se désavoue de ces attentats, qu'ils soient perpétués par des musulmans ou des non-musulmans, que ces tueries touchent des musulmans ou des non-musulmans. Il nous incombe à tous de nous en désavouer et d'invoquer Allah Azza wa Jal contre ceux qui font ce genre d'action. Anas'Allah tabaraka wa ta'ala ayyu'amila ha'ula al-mufsidi bima yastahiqoon. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والله أعلم وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Et lorsqu'il y aura le changement d'heure, la prière du Jumu'ah au lieu d'être à 13h sera à 14h. Walhamdulillah.